comme des cavernes toujours souriant. Même pas ça un prépu plus gros que son anus. Faut pas le chercher sinon tu vas te faire tuer. Faut pas l'enculer sinon tu vas le sentir passer. T'inquiète pas pour lui, il sait se défendre. Même pas ça un gros dur plus grand en ossature. Lui donne pas des ordres sinon tu vas te faire mordre. Faut pas le faire tourner sinon tu vas te faire penser. Si un jour t'en attrapes un comme lui, je voudrais que tu souffres. Si jamais ça t'attire, je voudrais que t'ailles en tôle. T'enfermer plusieurs années et tu comprendras la douleur que t'as infligée à ces enfants blancs, les voir dénudés.